إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تبارك وتعالى وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Nous sommes toujours dans le récit de Isa ibn Maryam alayhi salat wa salam. Et l'imam Ibn Kathir va revenir sur deux trois informations concernant son enfance. Il dit, nous avons précédemment mentionné qu'il est né à Beit al-Laham, Bethléem, non loin de Beit al-Maqdis. Wahb ibn Munabbih, rahimahullah, a prétendu qu'il est né en Égypte et que Maryam fit le voyage avec Youssouf, al-Najjar, le charpentier, le fils de Ya'qub, le menuisier, monté sur un âne sans selle. Mais cela n'est pas authentique. Et le hadith que nous avons mentionné est une preuve qu'il est né à Beit al-Laham, à Bethléem. Et tout ce qui est prétendu en dehors de cela est faux. De même, Allah dit tabaraka wa ta'ala, وَجَعَلْنَا بَنَا مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آيَةً وَآوَيْنَاهُمَا إِلَى رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ Sourate 23, verset 50. Et nous avons fait du fils de Maryam ainsi que de sa mère un miracle. Nous reviendrons, Inch'Allah, au Tabaraka wa Ta'ala, sur le sens de miracle dans des prochains cours. Nous leur avons donné asile sur une colline paisible où coulait une source d'eau. Les pieux prédécesseurs et les commentateurs du Coran ont divergé sur le sens de cette colline qu'Allah décrit en disant qu'elle était paisible et qu'une source y coulait. Qu'elle était paisible ici en arabe, c'est-à-dire qu'on pouvait y séjourner, on pouvait y habiter. C'est une description étrange dans sa forme. La colline désigne le lieu élevé dont le sommet est étendu. Et malgré son élévation, une source y jaillit. On a dit que cela désignait le lieu où Al-Masih alayhi salam est né, qui est la palmeraie de Beit al-Maqdis. Et c'est pourquoi, lorsque l'on reprend les versets de Sourate Maryam, il l'appela d'au-dessous d'elle. وَنَادَاهَا مِنْ تَحْتِهَا Et il lui dit, ne t'attriste pas, ton Seigneur a placé à tes pieds une source. Allah tahzani qad ja'ala rabbuki tahtaki sariya. Ici, le terme de sariya désigne le petit cours d'eau, comme l'ont souligné la majorité des salafs. On rapporte également de Ibn Abbas avec une bonne chaîne de transmission qu'il s'agit des rivières de Damas. Et il est probable qu'il est uniquement voulu comparer ce lieu aux rivières de Damas. On a encore dit que ce lieu élevé est celui où elle enfanta Isa alayhi salat wa salam. Donc à travers tous ces propos, on remarque et on constate que les savants, les commentateurs du Coran ont divergé entre eux sur le lieu exact de cette rabwa, de cette colline qu'Allah a mentionné tabaraka wa ta'ala dans le Coran. Un tout autre point que va souligner ici Ibn Kathir, rahimahullah tabaraka wa ta'ala, c'est la descente des quatre livres révélés. En parlant des Suhuf, les feuillets d'Ibrahim, la Torah de Moussa, l'évangile de Isa, l'Injil ou le Coran. Certains ont rajouté un cinquième, Az-Zabur de Daoud, alayhi salam. Allah dit tabaraka wa ta'ala, Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an. C'est au cours du mois de Ramadan que le Coran a été révélé. Apporté dans Sourate numéro 2, verset 185. Il dit, Ibn Kathir, rahmallah tabaraka wa ta'ala, que de nombreux hadiths rapportés à ce sujet et qui font état de la révélation de l'évangile à Isa ibn Maryam après 18 nuits du début du mois de Ramadan. Mais lorsqu'on le reprend chacun de ces hadiths, avec les nombreuses divergences qu'il y a dans les termes employés et dans le contenu du hadith en lui-même ainsi que dans les chaînes de transmission, on remarquera que tous ces hadiths sont faibles et on ne peut s'appuyer dessus pour en tirer un quelconque argument ou une quelconque preuve. Quoi qu'il en soit, le livre qui a été révélé sur Isa est l'Injil. Ce livre-là est en fait une somme de sagesse, des sujets relatifs à la croyance et aussi des lois qui sont venues abroger ce qu'il y avait dans la Torah, rendre licite ce qui leur a été interdit et vice-versa. Voilà en résumé ce que comportait l'Injil. Et bien sûr, il y avait aussi dedans la bonne annonce du paradis pour les croyants et la menace du feu de l'enfer pour les mécréants. Allah dit tabaraka wa ta'ala dans le Coran. إذ قال الله يا عيسى بن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون. Sont les versets 110 et 111 de la sourate numéro 5, Al-Ma'idah. Et quand Allah dira « Ô Isa ibn Maryam, rappelle-toi mon bienfait sur toi et sur ta mère lorsque je t'ai assisté avec le Saint-Esprit, Ruh al-Qudus, ou l'Esprit-Saint, qui est Jibril alayhi salat wa salam, lorsque tu parlais au berceau comme à l'âge adulte, lorsque je t'ai enseigné le livre, la sagesse, la Torah et l'Évangile. Lorsque par ma permission, tu fabriquais un oiseau avec de l'argile, puis que tu soufflais dessus, et que par ma permission, il devenait un oiseau vivant. Lorsque par ma permission, tu guérissais l'aveugle et le lépreux, et que par ma permission, tu faisais revivre les morts. Lorsque je te protégeais contre les enfants d'Israël, alors que tu leur apportais des preuves évidentes, mais ceux d'entre eux qui ne croyaient pas dirent « Ceci n'est qu'une magie évidente. » Et lorsque je révélais aux apôtres, croyant en moi et en mon messager, ils dirent « Nous croyons et témoignent, ô Isa, que nous sommes entièrement soumis. » Allah subhanahu wa ta'ala lui rappelle ses bienfaits et ses faveurs pour l'avoir créé sans père, mais d'une seule mère, sans l'intervention d'un homme, pour avoir fait de lui un signe pour les hommes et une preuve de son pouvoir absolu, pour l'avoir envoyé ensuite en tant que messager. Allah lui rappelle aussi des bienfaits accordés à sa mère en disant « Et sur ta mère, rappelle-toi mon bienfait sur toi ainsi que sur ta mère, Maryam alayha salam, pour l'avoir choisi et élu pour cet immense bienfait et avoir montré son innocence face aux accusations portées contre elle par les ignorants de son peuple. » Et c'est pourquoi il dit « Lorsque je t'ai assisté avec Ruh al-Qudus, le Saint-Esprit, c'est-à-dire Jibril alayhi salat wa salam, qui a insufflé de son esprit à sa mère, puis l'a assisté dans sa transmission du message et l'a protégé contre ceux qui n'ont pas cru en lui. Puis lorsque tu parlais aux gens déjà au berceau, comme à l'âge adulte, on peut le comprendre de deux façons ici, ou bien Allah dit « il parlait au berceau », comme il parlait aussi à l'âge adulte, ou alors, la deuxième explication de ce verset, il parlait au berceau tel un adulte. Il parlait au berceau comme parlent les adultes. C'est-à-dire qu'on comprenait ses propos de manière claire et nette, comme l'on comprend les propos d'une personne adulte. C'est-à-dire que tu appelais les gens à Allah au berceau de même qu'à l'âge adulte, comme le dit Ibn Kathir. Lorsque je t'ai enseigné le livre, la sagesse, c'est-à-dire l'écriture et la compréhension, comme l'ont soutenu certains pieux prédécesseurs. La Torah et l'Évangile, lorsque par ma permission tu fabriquais un oiseau avec de l'argile, c'est-à-dire que sous ordre d'Allah tu façonnais à partir de l'argile en forme d'oiseau, puis que tu soufflais dessus et que par ma permission il devenait un oiseau vivant, c'est-à-dire sous mon commandement, et Allah insiste, c'est-à-dire sous mon commandement. Et Allah insiste ici sur la mention de sa permission afin d'écarter tout équivoque et d'attribuer tous ces prodiges à Isa en dehors d'Allah tabaraka wa ta'ala, comme l'ont fait les chrétiens. Isa, tous les prodiges qui ont pu s'opérer à travers lui émanaient d'Allah tabaraka wa ta'ala. C'est Allah par sa permission qui permettait l'accomplissement de ces prodiges par la main de Isa ibn Maryam. Et cela nous prouve une fois de plus que Isa ibn Maryam était un homme et non pas une divinité ou le troisième de trois ou le fils d'Allah, tabaraka wa ta'ala, ta'ala Allahu amma yakulu zalimuna uluwan kabira. Puis Allah continue et rappelle les bienfaits qu'il a octroyés à Isa ibn Maryam en lui disant: lorsque par ma permission tu guérissais l'aveugle, Al-Akmah. Certains pieux prédécesseurs ont dit qu'il s'agissait de l'aveugle de naissance qu'aucun médecin ne peut soigner, ainsi que le lépreux, celui qui ne peut être guéri et dont la lèpre est devenue incurable, et que par ma permission tu faisais revivre les morts. Nous avons rapporté des preuves suffisantes montrant que cela s'est produit de nombreuses fois. Puis Allah continue et dit: lorsque je te protégeais contre les enfants d'Israël, alors que tu leur apportais des preuves évidentes, mais ceux d'entre eux qui ne croyaient pas dire ceci n'est qu'une magie évidente. Ça nous rappelle un petit peu ce que disaient les mécréants du peuple du prophète Mohammed a.s.w. lorsque le prophète venait avec des miracles clairs, visibles par tout le monde, il disait cela n'est qu'une magie évidente ou Mohammed est un sorcier. Ibn Kathir continue et dit ceci: lorsqu'ils ont voulu le crucifier et qu'Allah l'a élevé à lui pour préserver sa noble personne de tout mal et le sauver de la mort. Et lorsque j'ai révélé aux apôtres, croyez en moi et en mon messager, ils dirent nous croyons et témoignent, ô Isa, ou bien ô Allah, que nous sommes entièrement soumis. Le terme révélation désigne ici l'inspiration, c'est-à-dire qu'Allah les a orientés et guidés vers cela. De la même manière qu'Allah dit tabaraka wa ta'ala aux abeilles, وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ. Et ton Seigneur révéla, c'est-à-dire inspira aux abeilles. D'accord? Prenez des demeures dans les montagnes, les arbres et les treillages que les hommes ont élevés. On rapporte aussi que cela désigne la révélation par l'intermédiaire du messager et la prédisposition de leur cœur à accepter la vérité, et c'est pourquoi ils répondirent en disant « Nous croyons » et témoigne que nous sommes entièrement soumis. Et cela fait partie des bienfaits d'Allah à l'égard de son serviteur et de son messager, de l'avoir soutenu, par des apôtres et des partisans, ashab, qui l'ont secouru et ont appelé à lui, à l'adoration d'Allah seul et unique, de la même manière qu'Allah dit au sujet du prophète Mohammed, qui a été secouru par Allah lorsqu'Allah l'a assisté de ses compagnons. وَإِنْ يُرِيدُوا أَنْ يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. Sourate 8, versets 62 et 63. Et s'ils veulent te tromper, alors Allah te suffira. C'est lui qui t'a soutenu par son secours ainsi que par l'assistance des croyants. Il a uni leur cœur par la foi. Et même si tu avais dépensé tout ce qui est sur terre, tu n'aurais pu unir leur cœur. Mais c'est Allah qui les a unis car il est puissant et sage. Puis Allah tabaraka wa ta'ala nous cite dans la sourate numéro 3 de Al Imran, les versets 48 à 54, toutes sortes de bienfaits qu'Allah lui a octroyés, que l'on retrouve dans la sourate numéro 5, que nous avons lu peu avant, avec des informations supplémentaires. Allah dit tabaraka wa ta'ala, وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَرَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّنْ رَبِّكُمْ أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين Et Allah lui enseignera l'écriture, la sagesse, c'est-à-dire la science authentique, la faculté de bien juger entre les gens aussi, la Torah et l'Évangile. Et il sera le messager aux enfants d'Israël et leur dira « En vérité, je viens à vous avec un signe de la part de votre Seigneur. Pour vous, je forme à partir de la glaise comme la figure d'un oiseau, puis je souffle dedans. » Il était dit que les Juifs lui avaient demandé de faire une chauve-souris et de lui donner la vie. Et c'est ce qu'avait fait Isa ibn Maryam, alayhi salatu wassalam, par la permission d'Allah, cette chauve-souris prit forme, elle fut façonnée par Isa ibn Maryam, puis Allah lui donna la vie. C'est pour ça qu'Allah dit, et par la permission d'Allah, cela devint un oiseau, c'est-à-dire vivant. Et je guéris l'aveugle né, le lépreux, et je ressuscite les morts par la permission d'Allah. Et je vous apprends ce que vous mangez, et ce que vous amassez dans vos maisons. Voilà bien là un signe, pour vous si vous êtes croyants. Et je confirme ce qu'il y a dans la Torah révélée avant moi, et je vous rends licite une partie de ce qui était interdit. Et j'ai certes apporté un signe de votre Seigneur, craignez Allah donc et obéissez-moi. Allah est mon Seigneur et votre Seigneur, adorez-le donc, voilà le chemin droit. Puis quand Isa a ressenti de l'incrédulité de leur part, il dit, qui sont mes alliés dans la voie d'Allah. Man ansari ilallah, qui sont mes alliés dans la voie d'Allah. On pourrait aussi le comprendre dans le sens suivant, qui vient joindre son secours à moi au secours qu'Allah m'a déjà promis. Autrement dit, il va joindre le secours apporté à Isa au secours qu'Allah va apporter à Isa. On peut le comprendre des deux façons. Le fait de demander l'aide pour faire triompher la prédication est une chose commune à beaucoup de prophètes. En effet, lorsque Nour invoqua son Seigneur en disant « Inni marloubun fantasir »« Moi je suis vaincu, fais triompher ta cause, ô Allah » ou encore lorsque Moussa dit ou demande à Allah tabaraka wa ta'ala « Waja'alli waziran min ahli Harun akhi » et assigne-moi un assistant de ma famille, Harun, mon frère. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait de même en invitant les différentes tribus arabes à soutenir sa cause. C'est ce qu'a fait ici Isa ibn Maryam. Les apôtres dirent, nous sommes les alliés d'Allah. Nous croyons en Allah et sois témoin que nous lui sommes soumis. Seigneur, nous avons cru à ce que tu as fait descendre et suivi le messager. Inscris-nous donc parmi ceux qui témoignent. Et ils, c'est-à-dire les autres, se mirent à comploter. Qui sont ces autres ? C'est ce dont Allah tabaraka wa ta'ala parle dans la fin, à la fin de la sourate numéro 61. فَآمَنَتْ طَائِفَةٌ مِّن بَنِي إِسْرَائِيلَ وَكَفَرَتْ طَائِفَةٌ Une partie des Bani Israël avait cru, alors qu'une autre partie avait mécru. C'est cette deuxième partie, ce deuxième groupe, qui était majoritaire, qui ont essayé de comploter contre Isa pour le faire exécuter. En effet, ce complot était de livrer Isa aux autorités de l'époque afin qu'ils l'exécutent. Et c'est Allah tabaraka wa ta'ala qui sait le mieux leur ruse et leur stratagème. Revenons au miracle de Isa alayhi salatu wassalam. Le miracle de chaque prophète correspondait au peuple de son époque. On rapporte que le miracle de Moussa alayhi salatu wassalam convenait aux gens de son époque qui étaient de grands magiciens. Et Allah l'envoya alors avec des signes qui ont stupéfait et auxquels les gens étaient contraints de se soumettre. Il y avait à son époque des magiciens qui excellaient dans l'art de la magie, de la sorcellerie, et faisaient des choses extraordinaires aux yeux et à la vue des gens. Lorsque Moussa est venu, il fut assisté par Allah tabaraka wa ta'ala dans ce domaine afin de les confronter dans la chose dans laquelle ils excellaient. Et cela avait pour effet de prouver la véracité du message d'Allah tabaraka wa ta'ala et que les gens puissent se soumettre et suivre leur prophète. De même, Issa ibn Maryam fut envoyé à une époque où les gens attachaient une grande importance aux formes de médecine. Ainsi, il fut envoyé avec des miracles qui venaient les défier d'une manière ou d'une autre, des miracles qu'ils ne pouvaient réaliser. Comment un médecin pouvait faire ce que faisait Issa ibn Maryam par la permission d'Allah, guérir l'aveugle-né, guérir le lépreux ou celui qui a une maladie incurable? Ou alors comment il pouvait faire ressusciter un mort de sa tombe? Des choses impossibles pour les plus expérimentés parmi eux de cette époque. Pourtant, Isa faisait ces choses-là devant eux, par la permission d'Allah, ce qui poussait en réalité les plus doués d'entre eux à reconnaître qu'il était assisté par Allah, tabaraka wa ta'ala. À reconnaître que Isa était assisté par Allah et que ce qu'il faisait dépassait leurs compétences. Il en est de même pour le prophète Mohammed, qui fut suscité à une époque où l'éloquence, le verbe, la poésie étaient une marque de respect dans la société. Toute personne éloquente pouvait faire sa place dans la société, sans problème. Et toute personne non éloquente était relayée au second plan. Allah tabaraka wa ta'ala a donc défié les plus grands orateurs parmi les Arabes avec ce Coran. Et il les a défiés à 4 reprises. À travers son livre, Tabaraka wa ta'ala. D'ailleurs, Allah dit, Jalla wa ala, فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَمْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ. Et si vous n'avez pu le faire, c'est-à-dire produire un Coran semblable à celui-là, et vous ne pourrez le faire dans le futur, alors craignez le feu dont les combustibles seront les gens et les pierres, qui a été préparé pour les mécréants. Sourate 2, verset 24. Là, il s'agit là de la parole d'Allah, tabaraka wa ta'ala, incréée, qui est parfaite, nulle comparable aux paroles de ses créatures. De ce fait, le Coran est inimitable. Ibn Kathir nous dit que lorsque Isa leur exposa les preuves évidentes de sa véracité, la plupart d'entre eux persistèrent dans la mécréance, l'égarement, l'injustice et la transgression. Seul un petit groupe d'entre eux crut en lui, le secourut, l'assista et le conseilla. Parmi eux, Al-Hawariyoun. Ceci est lorsque les enfants d'Israël voulurent le tuer et le dénoncèrent à un roi de l'époque afin qu'il soit tué et crucifié. Mais Allah le délivra d'eux et l'éleva auprès de lui en donnant son apparence à un autre de ses disciples. Ils le prirent, le tuèrent et le crucifièrent en étant convaincus qu'il s'agissait là de Isa ibn Maryam. Or, ils se trompaient en cela et s'enflaient d'orgueil face à la vérité. Beaucoup de chrétiens les crurent. Mais les uns et les autres sont certes dans l'erreur. Allah dit tabaraka wa ta'ala, ceux qui ont mécru se mirent à comploter. Allah a fait échouer leur complot, et c'est Allah qui agit le plus astucieusement dans ce qu'ils veulent comploter, ou dans cette affaire. نكتفي بهذا القدر ونسأل الله جل وعلا أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه ونسأله تبارك وتعالى الهدى والتقى والعفاف والغنى وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته